Le double aveu. Après avoir suivi le chemin ombragé qui conduit de la Grève au bourg, en côtoyant les prairies arrosées par le Dounan, le corsaire, en proie à la plus douloureuse agitation, pénétra dans le village et atteignit la petite place sur laquelle donne le chevet de l'église. Là, il s'arrêta un moment, essayant de remettre un peu d'ordre dans ses pensées, avant d'entrer dans le cimetière qu'un petit mur bas clôturait de ce côté. En face de lui se dressait l'admirable rosace surmontant la haute fenêtre qui éclaire le chœur. Les souvenirs d'enfance lui revenaient maintenant en foule, depuis qu'il savait son nom réel, son origine, et lui affirmait que Tinaïque Cornou avait bien dit la vérité. La grande rose bleue, rouge, les ornements tant de fois regardés quand j'étais petit et que je jouais ici sur cette place avec mes camarades. Oui, oui, tout est vrai. Je suis bien un enfant du pays, Guy. Guy, c'est bien mon nom, j'en suis sûr à présent. Et je comprends pourquoi j'ai éprouvé une telle commotion intérieure quand, pour la première fois, j'ai revu ces choses, disparues de ma mémoire et soudain revues. Elles me reconnaissaient, elles les premières, quand ma mémoire se débattait encore dans les ténèbres du passé. Immédiatement, ses regards se dirigèrent à gauche vers ce coin terrible, placé derrière la chapelle funéraire, et une faible exclamation monta à ses lèvres. « Qui donc peut être là ?» De l'endroit où il se trouvait, il apercevait une femme agenouillée, paraissant prier. Il ne pouvait s'y tromper, elle se tenait bien devant la sépulture vers laquelle il se dirigeait. Il murmura interdit. « La tombe de mon père ? Une femme ? Que signifie ?» Il ne distinguait que les épaules couvertes d'un petit châle, comme en ont toutes les femmes du pays, et les ailerettes blanches de la coiffe que la brise du matin faisait doucement voltiger. Étonné, il se demanda. « Quelqu'un du bourg, sans doute ? Je croyais que seul Tinaïque Cornou osait s'arrêter en ce lieu maudit. » Il avait peine à articuler, même tout bas, ces mots terribles qui lui déchiraient la gorge, car la pensée douloureuse lui revenait lancinante, dévorante. « Mon père, c'est mon père !» Sans faire de bruit, il s'avança doucement entre les étroits sentiers tracés parmi les pierres tombales et gagna ainsi l'entrée de la chapelle funéraire. De là, il pourrait sans être vu voir le visage de la femme qui priait et guettait son départ. Elle semblait plongée dans un tel recueillement qu'elle ne faisait pas un mouvement, la tête penchée en avant, le visage entre ses mains jointes. Quand il se trouva dans l'intérieur de la chapelle, n'ayant pas été remarqué, le capitaine du Penbaz éprouva un moment de satisfaction et de calme. Il pourrait attendre que la visiteuse inconnue se fût retirée pour aller prier à son tour sur les restes de celui qui lui avait donné ce nom, nom de gloire et nom d'infamie à la fois, qui aurait pu le rendre si fier et qui le rendait si malheureux. Cette chapelle encore lui rappela des souvenirs du passé, continuant à confirmer les paroles de Tinaïque Cornou, à lui en prouver la vérité, car il était bien certain que cette fois, ni le comte de Tromelin, ni le brave Lantoc ne lui avaient jamais décrit ce qu'il voyait en ce moment, ce qu'il retrouvait autour de lui dans un examen minutieux, parce que ces infimes détails avaient seulement frappé ses regards étonnés et curieux de petit enfant, contemplant, surpris, des choses qu'il ne comprenait pas et qui étaient à jamais demeurées gravées en lui. Des gueules de monstres, crocodiles ou dragons, mordaient chaque extrémité de l'une des poutres transversales soutenant la charpente intérieure du toit pyramidal de la chapelle. Souvenir sans doute des dragons dont les seins d'autrefois ont purgé la Bretagne, car cette décoration se trouve dans presque toutes les églises et chapelles du pays. Le marin les reconnaissait, il fit. Les dents effroyables qui me faisaient si peur. Oui, j'ai vu cela autrefois. C'est encore de mes yeux d'enfant que je l'avais vu. Puis il retrouva dans la frise du bois sculpté, orné d'anges, qui encadre les murs au-dessous des pilastres, d'autres émotions, d'autres souvenirs. Là encore, cette figure tête en bas, qui tient par la langue deux espèces de démons ailés et finissant en poisson, tout cela n'est pas nouveau pour moi, je le retrouve. Il s'oubliait dans ses souvenirs avec une sorte de douceur, comme s'il eût retrouvé son âme naïve d'enfant que les moindres choses étonnaient, ravissaient. La tête de lion, le personnage à mi-corps et ailé, la figure de bois de la voûte, des choses que personne ne remarquait. Mais un soupir profond comme une plainte le rappela à la réalité. Là, tout près, cette femme sans doute qui priait. Il s'appuya sur le socle, abrité derrière l'un des pilastres, avança un peu la tête et poussa un cri de stupeur et de ravissement. « Anne, elle, ma petite Anne !» Il la voyait maintenant de profil, toujours agenouillée. Elle avait laissé retomber ses deux mains croisées devant elle et contemplait la pierre funèbre qui disparaissait à demi sous des fleurs jetées çà et là. Le jeune homme porta les deux mains à sa poitrine pour comprimer les bonds de son cœur. Sur la tombe du maudit, elle, cette petite sainte, elle, reine en sabots si pure, si fière de son nom. Il eut un désespoir. Peut-être ignore-t-elle, mais cela était impossible. Comme tout le pays, elle devait connaître la sombre histoire de celui qui dormait là, de celui qui était le frère de son père et que celui-ci avait repoussé. Son angoisse redoubla, car il se disait « Même si elle sait, qu'importe, c'est son bon cœur, sa pitié pour les êtres de misère, de malheur qui l'a amené là, et puis aussi parce qu'il est de sa famille. C'est son oncle. Mais moi, quand elle apprendra ?» Et pourtant, je ne puis lui laisser ignorer la vérité. Ce serait un crime que de continuer à feindre l'ignorance quand je sais et que tous doivent savoir. Quelle torture, moi, lui dire, lui avouer ? Il me semble que jamais je ne pourrai. Quelques instants encore, il hésita, bouleversé de douleur, n'osant prendre un parti. S'il ne parlait pas, certainement Tinaïque Cornu ne parlerait pas non plus. Avec la tendresse qu'elle lui avait montrée, s'il la suppliait de garder ce terrible secret, elle obéirait, capable de tout pour son bonheur. Quant à Lantoc, aucune crainte d'indiscrétion à avoir de ce côté. Son secret demeurerait le mystère pour tous. Alors, pourquoi dire, pourquoi faire cet aveu que nul ne lui demandait? Pourquoi aller lui-même au-devant de son malheur? Thor et Pen, c'était le héros, l'être glorieux, félicité, béni, acclamé. Guiguiznou, ce serait le fils du maudit, tous les mauvais souvenirs rappelés. Il lui faudrait fuir peut-être sous cette malédiction. D'un mouvement raffermi, sa décision prise, le jeune capitaine, sortant de la chapelle funéraire, se dirigea vers la tombe. En entendant fouler le sable de l'allée, Anne Guiznou avait relevé la tête, laissant voir ses yeux bleus encore humides de larmes. Elle eut une joie traversée d'un peu de gêne en reconnaissant le nouveau venu et en se voyant surprendre en cet endroit. « Vous, à Saint-Jean, ici ?» Il semblait plus grave que d'habitude, d'une gravité émue, impressionnante. Posant sa main avec douceur sur l'épaule de la jeune fille, il dit « Merci, Anne, merci de tout mon cœur. » Elle le regarda, ne comprenant pas, l'interrogeant des yeux, balbutiant « Merci de quoi ?» La décision du corsaire s'affirmait, irrévocable, bien en rapport avec l'énergie de son cœur. Il déclara « De ses fleurs, de ses prières, je suis le fils de celui qui repose ici, le fils d'Antoine Guiznou. Je me nomme Guy Guiznou. » D'émotion, elle avait failli se renverser en arrière. Elle se retint à son bras, passa son autre main sur ses yeux comme pour en écarter un voile qui l'eût brusquement aveuglé et fit d'une voix basse pénétrante. « Celui qui avait péri en mer, Guy Guiznou, mon cousin, vous seriez, ô mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant, lui, que ce prodige ait eu lieu !» Et le visage éclairé d'un sourire sous ses larmes, « Comme le jeune homme de la légende, toujours, toujours, le miracle, le miracle! Ah, que je suis heureuse, heureuse au possible !» Mais le capitaine demeurait sombre, crispé de souffrance. Il assura, ne comprenant pas cette joie, « Tout désormais nous sépare !» Elle avait fait un brusque mouvement de protestation. « Comment ? Pourquoi ? Au contraire ! Qu'y a-t-il pour cela de changer entre nous ? Fiancés nous sommes, fiancés nous restons. Notre parenté, le déshonneur, tout se dresse entre vous et le fils d'Antoine Guiznou. Oh, mon père, mon père! Il s'agenouilla auprès d'elle, courbant le front comme anéanti. Mais elle avait saisi sa main, toute l'énergie, toute la volonté qui semblait avoir abandonné le pauvre garçon, paraissait être entrée en elle, la jetant aux paroles viriles, aux décisions hardies. Elle murmura à ses oreilles d'une voix de tendresse. « Reine en sabots que je suis, souvenez-vous, j'agirai en reine, je dirai « je veux ». Pour épouser son cousin, il y a des dispenses. J'indiquerai au besoin notre nom à soutenir, à garder, notre beau nom de Guisnou, les deux rameaux de la famille à réunir. Quant au déshonneur, où est-il donc? Qui oserait soutenir que tort et peine, notre sauveur, notre héros, n'est pas l'honneur même comme il est notre défense, notre gloire? » Les mêmes paroles, presque les mêmes idées soutenues par Tinaïk Cornou, et cela faisait peu à peu impression sur l'esprit vacillant et troublé du corsaire, cette coïncidence, ces affirmations venant de deux points extrêmes. Si Anne Guisnou, la jeunesse, la pureté, la sainteté même, Anne Guisnou considérée comme la petite souveraine, héritière des seigneurs du passé, comme une représentation de la bonne duchesse, pensait et parlait comme cette Tinaïk Cornou, qui en était un peu l'expérience mûrie par les années, la devineresse redoutée et écoutée, pourquoi désespérait-il? Cependant, à mesure qu'un obstacle disparaissait ainsi devant lui, un autre surgissait plus terrible, et il dit « Que vous parliez ainsi, Anne, la bonté et l'indulgence même, que vous ayez pitié du malheureux qui est ici, je le vois, je le comprends, et mon cœur en éprouve une reconnaissance infinie. Mais d'autres ne penseront pas ainsi. Quand j'aurai parlé, les autres diront comme moi. On m'aime et on m'écoute beaucoup, et je saurai trouver les mots qui persuadent. » Il secoua la tête. « Il y a votre père, celui-là, le persuaderez-vous? Ne vous souvenez-vous plus de ce qu'il est à travers tant de qualités? C'est le dur Breton ne cédant jamais. 20 années ont passé sans le transformer, sans l'attendrir. » À son tour, elle réfléchissait, comprenant bien que là était l'obstacle redoutable. Certainement, Pierre-Marie Guisnou s'était toujours montré intraitable quand il s'était agi de celui qu'il appelait le renégat, qu'il avait si souvent accusé d'avoir déshonoré la famille, mais jamais cette question n'avait été soulevée entre lui et sa fille. Peut-être écouterait-il mieux ce qui viendrait d'elle à ce sujet que tout autre. D'abord, ce n'était plus d'Antoine Guisnou qu'il s'agissait, mais de son fils, d'un innocent, qui n'avait en rien trempé dans ce qu'on pouvait reprocher au père, qui ignorait même tout avant son retour dans son pays. Pierre-Marie Guisnou était dur, entêté, sévère, mais il n'était pas injuste. Plus elle s'arrêtait à ses réflexions, plus Anne pensait qu'elle saurait trouver la manière de le convaincre. Elle prit la main de son compagnon. « Venez, mon cousin. » Il se mit debout, l'aida à se relever et demanda étonné. « Que voulez-vous faire? Où me conduisez-vous? » « Chez mon père, tout de suite, nous allons y aller ensemble. C'est moi qui vous amènerai à lui comme mon cousin, comme mon fiancé. Il est à la maison aujourd'hui. Nous lui dirons tout. Il a un cœur si excellent, croyez-moi. » Ce fut par la traverse, ce chemin creux glissant et serpentant sous le couvert des chênes, des ormes, entre les haies d'épines blanches, que Guy et Anne se rendirent à Plougasnou. Durant le trajet, son cousin la mit au courant de tout ce qui s'était passé. Anne écoutait ce récit avec son côté de mystère, cette marque sur la poitrine, cette Tinaïk le reconnaissant à ce signe après tant d'années et lui rendant son nom véritable, comme si elle eût entendu quelqu'une de ces belles légendes extraordinaires aux combinaisons merveilleuses qui avait bercé son enfance et un ravissement plus tendre baignait son cœur. Il lui semblait qu'un instinct secret, qu'un ordre venu d'en haut, l'avait placé là pour l'accomplissement de quelque secrète destinée et que ce n'était pas simplement le hasard qu'il avait, dès le premier jour, conduite vers cet inconnu, sortie tout à coup de la brume et de la mer. Elle reconnaissait en lui le digne héritier de ces grands féodaux dont les dalles mortuaires portaient des noms sonores, des noms dont l'écho retentissait bruyamment dans l'histoire. Lui aussi, cet obscur marin, ce corsaire sans nom, ce Thor Heppen intrépide, lui paraissait destiné à relever leur race de sa longue obscurité, de cette sorte de dégénérescence qu'il avait peu à peu frappée et à rendre ce nom éclatant. Celui-là faisait reverdir l'arbre qu'on croyait destiné à s'éteindre. Tout en marchant à ses côtés, en regardant ses plantes, ses arbres, ses champs, où tout commençait à renaître sous le souffle du printemps, elle se répétait « La race n'est pas morte, elle va revivre en lui ». Une énergie singulière brillait dans ses yeux bleus, d'habitude voilés de douceur, de tendresse et de piété, quand, après avoir traversé, suivi du jeune homme, le cimetière de Plougasnou, poussant la porte de la maison de ses parents, elle annonça fièrement « Père, nous voici !» Pierre-Marie Guiznou, assis sur un escabeau, seul devant la grande cheminée où flambaient des ajoncs, fumait, placide, se reposant d'une fatigante nuit passée à la pêche, tandis que sa femme était au lavoir. Il s'exclama en se levant, sa pipe au poing, « Tort et peine, ah, mon fils, si je l'osais, je t'embrasserais tant j'ai de contentement à te voir. C'est que, vois-tu, j'ai eu de tes nouvelles. Mes trois gars, je le sais, sont à Morlaix pour y mener tes nouvelles prises. Tu es notre joie et notre honneur. On est déjà venu me raconter ce que tu as fait, tes exploits. Ah, ah, fameux, fameux !» Il riait, heureux. Anne approuva énigmatique. « Tu peux l'embrasser comme un fils, tu as raison, père, plus que jamais. » Pierre-Marie n'avait d'abord songé qu'au corsaire, sans remarquer qu'il était entré avec sa fille. Il observa. « Tiens, c'est vrai, te v'là, toi ? Ah, ça ! Mais je ne t'avais pas vu. C'est ensemble que vous êtes entrés. C'est donc toi qui l'amènes chez nous, petite, pour la première fois qu'il y vient, ce qui est un fameux honneur qu'il nous fait. » Puis, les regardant tous les deux, « Ah, ça ! Ah, ça ! Mais est-ce que ce diable de Guillaume Guyader aurait eu raison contre moi ? Ça qui serait du nouveau, par exemple. Tous deux que vous v'là, à cette heure, comme qui dirait promis et promise. » Embarrassé, résolu à se laisser guider par sa compagne dans cet aveu difficile, le capitaine ne savait trop ce qu'il devait répondre et baissait la tête, évitant son regard et se tournant vers Anne. Le vieux pêcheur continuait à les examiner tous deux. Il poursuivit, s'adressant à sa fille. « Ce serait donc vrai, petite ? Tu serais sa douce, toi ?» Le ton ne paraissait pas fâché, au contraire. Elle murmura. « M'en voudrais-tu beaucoup, père, si cela était ?» Il eut un gros rire. « Oh, diable, moi, t'en vouloir ! Tu pourrais choisir plus mal que je pense. Mais je croyais que tu avais d'autres idées en tête, que la reine en sabots préférait à tout autre la société de... celui qui demeure là, dans cette grande belle maison d'où tu ne sortais guère depuis ton enfance. Oh, je ne te le reproche pas, pas plus que je ne te reprocherais de changer. Mais que dira ta chère Trinité, tu sais bien ?» Par la fenêtre, il désigna l'église de Plougasnou. Elle regarda, soupira légèrement et souriant. « Je ne crois pas offenser le bon Dieu avec le choix que j'ai fait, car bien sûr, c'est lui qui me l'a inspiré. » Pierre-Marie Guiznou ajouta. « Du moment que tu te mets sous sa protection, te v'la garantie. Mais dis-moi, ton nom, notre nom, dont tu étais si orgueilleuse, car tu en étais fière, oh, mais oui, ne dis pas le contraire, plus que moi. » Et cependant, tu sais si j'y tiens, ce qu'il m'en a même coûté de tant y tenir. » Sa voix s'assombrit un peu, et son regard se voila. Mais d'un geste brusque, chassant le nuage qui lui traversait la pensée, il reprit. « Tort et peine, c'est peut-être une manière un peu bizarre de s'appeler. Alors tu t'appellerais Madame Tort et peine, dit ? C'est devenu fameux, c'est un beau cri de chez nous. Tout de même, c'est pas un nom de chrétien si c'est un rude mot de Bretagne. » Elle releva la tête fièrement. Non, mon père, si tu me permets d'épouser Tort et peine, c'est un nom plus beau encore que je porterai. C'est le nôtre. Que veux-tu dire ? Tu continuerais à t'appeler Guiznou ? Mais cela ne se peut pas. Il faudrait une permission, que l'empereur le voulût, que... Anne le regarda en face. Pas besoin de l'empereur ni de personne pour que je porte le nom de mon mari, de Guy Guiznou. « Hein ? Tu es folle ?» s'exclama le pêcheur, regardant tour à tour le jeune homme et sa fille. Elle répéta. « Guy Guiznou, mon cousin, que son maître d'équipage a sauvé du naufrage il y a 20 ans, que Tinaïque Cornou vient de reconnaître et qui depuis un instant seulement sait lui-même comment il se nomme. » Pierre-Marie avait laissé tomber sa pipe, bégayant. « Le fils d'Antoine ? lui-même. » Il leva les bras, étranglé de fureur. « Le fils du renégat, du maudit, jamais, jamais !»« Mais mon père, il est innocent, il n'a rien fait. » Le pêcheur ne se connaissait plus. « Il est sorti de la mer, dis-tu, qu'il y entre pour toujours. Jamais je ne donnerai ma fille au fils de celui-là que j'ai renié, maudit jusque dans sa plus lointaine génération. » « Mon père, vous l'appeliez votre fils, vous lui tendiez les bras. C'était Thor Heppen le sauveur, le héros. Tout cela a-t-il disparu en un instant parce qu'il est votre neveu, votre sang ? Non, non, rien, je ne veux rien entendre, rien savoir, ni comment il est là, ni pourquoi. » Le vieillard bégayait, tremblant de colère. Anne s'exclama. « Vous me désespérez, mon père ? Je t'aime mieux là-bas, à l'église, au couvent, que femme du fils de celui dont tu oses me parler. » « Oh, père, père ! S'il ne s'éloigne pas à l'instant, je le chasse, je le... » Anne l'empêcha d'achever. « Non, il s'en va, ne parle plus, nous t'obéissons. » Elle avait compris que rien, en ce moment, ne pourrait convaincre le malheureux aveuglé par la rage. Et s'agenouillant devant son père, après avoir fait signe à Thor Heppen de s'éloigner, elle murmura. « Père, tu seras obéi. » Le jeune homme s'enfuit, désespéré.